Thank you very much. Merci infiniment. Alles okay bis jetzt? Wischte mich! Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est quoi c'est toi? Qu'est-ce que c'est ça? What time is peace now? What time is peace? Qu'est-ce que c'est que cette humeur? Qu'est-ce que c'est quoi c'est ça? Qu'est-ce que c'est quoi c'est toi? Qu'est-ce que c'est quoi c'est ça? What time is peace now? Qu'est-ce que c'est que cette humeur? Uh-huh.